Colchic dans les prés, fleuris de fleuris, colchic dans les prés. C'est la fin de l'été, c'est la fin de l'été, c'est la fin de l'été. Oui, châtaigne dans les bois, ce froid de ce fond, châtaigne dans les bois. Se fond sous les bas, se fond sous les bas, se fond sous les bas. Yeah.